gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende à noite. LDT convosco até às 20 horas hoje. Oh. 29 de novembro de 2019. L'heure du temps et moi, c'est Teresa. Arc-en-ciel 96.2, fiquem conosco. Já, Best Girl com Refloso Maria. Vamos começar com o Refloso e essa canção um bocado reggae que vocês conhecem bem. Mas sei que não consigo fazer voltar atrás. fazer do tempo amigo. Vai pesada, mas eu carrego sozinho. Foi a tua experiência, mas não quero olhar para trás. Agarro mais partes boas e sigo a iludir as más. Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei. Para onde foste eu não vi, nem sei quando deixei. Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei. Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei. Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo. Aujourd'hui, que nous étions le 29, ça vous l'aviez déjà remarqué, mais nous sommes aussi le vendredi soir. Nous commençons le week-end, nous le commençons bien en musique. Si vous êtes à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel, à l'écoute de LDT, l'heure du temps, et enregistré comme événement aujourd'hui, peut-être ce mois de novembre 2018, ce 29 novembre 2018, où la musique reggae jamaïcaine est inscrite dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Voilà, c'était l'année dernière. In the government yard, entrenched down. Aujourd'hui, comme à Radio Arc-en-Ciel, nous allons parler d'événements culturels, évoquer ce que l'on pourrait faire ce week-end si on n'a pas d'idée, on écoute par-ci, par-là, il y aura certainement quelque chose à faire, sinon pourquoi pas, hein, on va pouvoir rester sous la couette et en écoutant de la musique tout simplement. C'est pas mal aussi comme idée, hein, mais on écoute de la musique et pas très loin d'ici, des studios Radio Arc-en-Ciel, autour de la cathédrale. Des événements, on en a remarqué tout à l'heure, un concert très important, puisque Natacha Saint-Pierre nous rend visite. Elle sera en concert dans peu de temps, à 20h30, très exactement. Nous discutions de qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être qu'est-ce qui se passerait la semaine prochaine aussi, parce que là ce sera un événement autour du sport, mais dans LDT nous allons rester de toute façon dans une tonalité reggae. Autour de la cathédrale, bien sûr, parce que le 7 décembre, une messe en hommage à Johnny Hallyday, qui seront données en hommage à la star disparue, hein, le 5 décembre 2017, un concert et une messe, donc, seront données le samedi 7 décembre, une messe célébrée par le Père Chatillon. Il sera accompagné à l'orgue par Michel Tomaso, au chant par Patrick Husson et Marie, un coach vocal et ancienne choriste de Serge Lama. Michel Fugain au Rhodes Scott, donc c'est quand même des événements. On y va le samedi 7 décembre de 11h à 13h. Alors, vous allez certainement entendu parler Urban Trip by Night pour vous faire découvrir Orléans autrement, ville d'art et d'histoire, aux côtés de 3000 autres sportifs au travers de ses nouveaux parcours running, de la Loire, de ses ponts, de son marché de Noël, ainsi que des points de vue magiques grâce au ballet de Frontal et aux jeux de lumière qui vous accompagneront tout au long de votre parcours. Voilà, ça c'est pour les runners, les running, ceux qui courent très vite, ou moins vite, puisque c'est conçu pour tous les amateurs de course à pied, qu'ils soient compétiteurs ou simples pratiquants. Alors, tout à l'heure, Natacha Saint-Pierre, de son vrai nom, est une professeure de yoga, une chanteuse et animatrice canadienne d'origine canadienne et italienne. Elle est née un 10 février 1981 au Canada. Natacha Saint-Pierre, elle commençait très jeune sa carrière à 12 ans, mais là, en 2018, c'est Thérèse, Vivre d'amour, qui lui ouvre les portes des cathédrales. Et Natacha Saint-Pierre célèbre donc dans les lieux de culte Thérèse de Lisieux, aimer, c'est tout donner. Un album mis en musique et qui a beaucoup de succès. On sait aussi qu'en 2019, elle participe à l'album L'Enfant devant. Voilà le bon vent. On connaît bien cet album où elle Vivre d'amour, où elle interprète Thérèse. Donc n'oubliez pas, c'est samedi prochain, samedi 7 décembre, le départ à 20h de la 5e édition des courses des Trois Ponts d'Orléans. Donc une course nocturne qu'on prépare, la course nocturne de 10 km à travers les rues d'Orléans. LDT, les titres, le moment poésie avec Onaï. Le chant de Manuel Veille de Castroneuil de Boulogne 13 exactement, qui a acquis un dénudement de Richie Campbell. Tout le monde pense que ce n'est pas... Voilà, je vous expliquerai tout à l'heure. Dénudement Richie Campbell. C'est quoi de Richie Campbell? Y'a Richie Tay. Essa dizer que sim. Dessas coisas lindas que só precisa cuidar bem. Por ti as contas que o amor não faz. Eu deixo tudo pra depois, mas fico com você, sempre com você, sempre com você. Yeah. considerar-me, como tanta gente me considera, um poeta satírico. Eu escrevo poemas como quem pratica conjuros. É para me livrar, não para satirizar à distância. A que vens, solidão, com teu relógio de ponteiros de visgo, de bater de feltro? Ombro nenhum ao meu ombro encostado, a que vens, ó camarada solidão? Companheira, amiga, até amante, até ausente, ó solidão, te amei, como se ama o frio, até o frio dar a chama que tu dás, ó solidão. A que vens, enfermeira? Não sabes que estou morto? Que se digo o meu sim ou o meu não, é só para que os outros me julguem mais um outro? É só para que um morto não tire o sono aos outros? A que vens, solidão? Vai antes possuir os que amam sem esperança e sem saber esperam. Dá-lhes o teu conforto, encosta-lhes ao ombro, o teu ombro nenhum, ó solidão. De ombro na ombreira vejo, no outro lado, outro ombro na ombreira. Entre ombros, nas ombreiras, nenhum assombro. Ombros, ombro a ombro, param ombro a ombreira. Quando tudo escombro, ainda todos seremos ombro na ombreira. Gostaria. Voilà, Alexandre Onaye, qui est né à Lisbonne en 1924. Et il nous quittait en 1986 avec il avait à peine 62 ans. Donc, descendant d'Irlandais autodidacte, Onaye participa à l'introduction du surréalisme au Portugal en 1945. Il fit la connaissance de Mário Cesarani. Il fut un des fondateurs du groupe surréaliste, ce qu'il caractérise de ce groupe surréaliste à Lisbonne en 1947. Ce fut dans ce groupe qu'il publia sa première œuvre, un volume de collage en Pola Miraculosa, 1949, constitué de 15 images sans aucune liaison entre elles et leurs légendes respectives, sans aucun nexus logique, ce qui rend hautement ironique le sous-titre de l'œuvre romance. Démarqua de ce mouvement surréaliste à partir de la sortie de Tempo de Fantasma, Le Temps des Fantômes, en 1951, son premier recueil de poèmes. Mais les influences surréalistes continuent visibles dans ses travaux qui incluent en plus de recueils de poésie, de la prose, des disques de poésie, des traductions et des anthologies. Ne pouvant vivre de son art, l'auteur élargit son activité à la publicité. Voilà, ce n'est pas nouveau. Le fameux slogan « Amar e mar, a ir e voltar », il y a mer et mer, il y a aller et revenir pour la sécurité sur les plages. Voilà, ça c'est lui aussi. La poésie d'Alexandre Onaye concilie une attitude d'avant-garde, surréalisme et expérience proche du concrétisme qui se manifeste dans le caractère ludique de son jeu avec les mots, dans son bestiaire qui fait ressortir le côté surréel par rapport au réel. Ses textes se caractérisent par une intense satire du Portugal et des Portugais, détruisant l'image d'un prolétariat héroïque créé par le néo-réalisme auquel il oppose la vie mesquine, la douleur du quotidien, vue cependant sans effet dramatique, ironiquement, dans une alternance entre la constatation de l'absurde de la vie et l'humour. L'humour, voilà, comme la seule façon de s'y opposer. Il fut à plusieurs reprises emprisonné. Il faut le savoir que la police politique, voilà, elle ne l'a pas laissé tranquille, Lapide. Hein. Des thèmes comme la solitude, l'amour, le rêve, le passage du temps ou la mort conduisent à la peur. Donc, au poème Pouco Original do Medo. C'est aussi lui le poème peu original de la peur. Donc ce poème, de façon symbolique, il représenté par un rat ou la révolte dont l'homme ne pourra se libérer qu'avec l'humour, souvent manifesté par un langage qui parodie des discours stéréotypés comme les discours officiels ou publicitaires qui reflètent l'organisation sociale, même par l'intégration de termes argotiques. Alors le jargon que parfois, voilà, ça nous agace. Et pourtant, des lieux communs, petit bourgeois d'onomatopée ou de néologisme inventé par l'auteur. Voilà. Aujourd'hui, c'est un programme un petit peu inhabituel puisque je disais que on finirait, si possible, un petit peu avant, mais l'heure habituelle, mais je tenais quand même à faire ce petit arrêt poésie comme d'habitude. Voilà, on va Alexandre Onay, j'adore ce qu'il a fait, toute sa poésie, j'aime. Celle-ci, c'est peut-être ma préférée. A palavras que nos beijam como se tivessem boca, palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca, palavras nuas que beijas quando a noite perde o rosto, palavras que se recusam aos muros do teu desgosto, etc, etc. Alors, si on voulait traduire, ce serait il y a des paroles qui nous tiennent, il y a des paroles qui nous tiennent enlacées, comme elles se disent. Paroles d'amour et d'espérance, d'un immense amour, d'une espérance folle. Paroles nues qui nous enlacent quand la nuit a perdu ton visage. Paroles qui se heurtent au mur de ton affliction. Soudainement colorées parmi les notes, les mots incolores, espérés, inespérés, comme peuvent l'être l'amour, la poésie. Lettre par lettre, le nom de ceux qui s'aiment se révèle dans les distractions imprimées de papier abandonné. Paroles qui nous transportent là, où la nuit est la plus forte, au silence des amants, embrassés dans l'oubli de la mort. Mãe d'água, a dona do mar. Ela ouve as preces das mulheres marítimas. Se tu não vou, Capicu, Helena d'água. Os homens que as levaram para passeio no fim da... Íntimo mergulho. Radio Arc-en-Ciel, 96.2. Juste après, Kiki des Nudements. Bem na água e camela na mão. Fui sem água a prestar oração. Para fluida como ela na adaptação. Contornar a pedra em qualquer situação. Bem na areia, pau santo na mão. De coração cheio, prestando oração. Pedi transparência, ciência e visão. Com a sua claridade, ter na mão divisão. Pé direito e a mão na tua mão. Fé no peito, prestando oração. Perdi a força da ondulação. Para ter a bravura, determinação. Na ilha, na praia da Conceição. Senti na barriga outro coração. Desde então, cada dia prestei oração. Para ser motriz, cumprindo a função. Na ilha, na praia da Conceição. Senti na barriga outro coração, desde então cada dia prestei oração. Para ser feliz, cumprir a missão. De pé direito ti com a mão na tua mão. Eu fui com a fé no peito para prestar oração. Eu pedi a mesma força da sua ondulação para ser motriz e ser feliz enquanto cumpro a missão. De pé direito e com a mão na tua mão, eu fui com a fé no peito para prestar oração. Eu pedi a mesma força da sua ondulação para ser motriz e ser feliz enquanto cumpro a missão. Coração alto, parto opaco, não falto contra-ataque, quando contra e contra-alto, o contrato e crio um mercado. Eu converto o contrariado, eu combato o patriarcado. É esse o meu predicado, e só fica prejudicado quem fica do lado errado. Da história na escória sem glória, só menosprezando o chamado que eu mantenho o calendário. Sou do rebanho do Mário, eu marco o macro cenário. Só com um micro e dois ovários, meu empenho e instinto. Trigo limpo, não me empanti, compito com a fixa abstinto. Eu insisto, ao ar quando há sangue, tomo o comando. Na guerrilha com o gangue, sem bicho, já disse, a matilha lá teu ano. Cala quando eu mando, mano, e mano, é ano após ano. E os feitos são inúmeros, eles esquecem as letras e andam só atrás dos números. Solene como a cada último mergulho, eu rasguei a dor e o medo como papel de embrulho. Vou nas ondas do mar, vou nas dunas de areia, eu vou para c'est un duo, Capicua, c'est un groupe, c'est une voix féminine du reggae, plutôt rap aussi, mais ce n'est pas, c'est une nouveauté ce disque, puisque là c'est Lena D'Aguas, elle est très très connue au Portugal, elle est c'est un nom de la musique portugaise beaucoup plus connu, je ne dirais pas, mais ancien en tout cas. Puisque lorsque j'avais déjà, voilà, je dansais sur sa musique lorsque j'étais, comme maintenant, très très jeune. C'est exactement ça ce que je voulais dire, je ne me suis pas trompée. Lena D'Aguas, elle participe donc dans le nouvel album qui, on l'écoute, je crois que c'est aujourd'hui pour, en officiel, c'est sa sortie, Madre Pérola, en duo donc de Capicua, ce nouvel album de rappeur, alors, on le caractérise comme rappeur essentiellement, mais là, ce dernier album, une édition donc prévue depuis longtemps, cette nouvelle chanson, elle peut être entendue maintenant à partir d'aujourd'hui, et donc elle est un lancement qui a été communiqué. On est très très heureux de vous faire écouter donc cette chanson comme une allusion à la maternité, puisque c'est son premier album depuis la naissance de son enfant, l'enfant de Capicua, et c'est un enregistrement pendant et après la grossesse, donc un processus de longue gestation, explique-t-elle. Voilà, je crois que le 17 septembre, et elle sera en concert à Lisbonne. Même Théâtre de la Trinité dans le cadre Cyclemonde le 17 décembre, très exactement. No âmbito do Cyclemonde, no Teatro da Trindade, em Lisboa. O disco será apresentado a 17 de setembro. Saint-Pierre, ça c'est tout à l'heure, 20h30 à la cathédrale d'Orléans, vous y êtes. S'appelle l'abandon, ce fruit des sept vies me donne le bonheur, mon âme est réjouie par sa divine odeur. Ce fruit, quand je le touche, me paraît un trésor. Le portant à ma bouche, il m'est plus doux encore. Non, rien ne m'inquiète, rien ne peut me troubler. Plus haut que l'alouette, mon âme s'est volée. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom. Et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Ce fruit, cette vie me donne le bonheur, mon âme est réjouie par sa divine odeur. De cet arbre ineffable, l'amour, voilà le nom. Et son fruit délectable s'appelle l'abandon. Ce fruit de cette vie me donne le bonheur, mon âme est réjouie par sa divine odeur. Il me donne en ce monde un nom. Océan de paix, en cette paix profonde, je repose à jamais. De sa céleste flamme, le lumineux rayon fait naître dans mon âme le parfait abandon. Toutes les créatures peuvent me délaisser, je saurai sans murmure près de toi mon passé. De sa céleste, them say them want fi roll a vibe in my bed. Jam where we fi dead, man fi fly away. You no more than rich, you can't do say. Man a fi rich, the land of the sun, roll a vibes in Jamaica. Okay, be a fi touch down in a jam down, build a house in Jamaica. Man a fi rich, the land of the sun, roll a vibes in Jamaica. Richie, you know what's that? Me a fi touch down in a jam down, build a house in Jamaica. over me. You bring the joy in half of me. She does not bother me. One job or so we do. Jamaica, you so sweet. Kingston 6, them calling. Big up the friends, them were dying in Jamaica. The fire keep burning. I saw me rock it and jump it till the morning. From the seaside, she to the yard. Yo! Jamaica, below. Man of the rich. The land of the sun, all the vibes in Jamaica. Okay. We have the touchdown, get a jam down, build a house in Jamaica. Man of the rich, the land of the sun, all the vibes in Jamaica. Richie, you know us, yeah. Me have the touchdown, get a jam down, build a house in Jamaica. Mellow Mood and Richie Campbell have a touchdown at your ear. Then we go party at Kingston, me just get beer. I think I love every woman, tell them link up right away. Yeah, tell them we're not here, man, I'm links at Delacroix. We go party down at Jungle, I'll go to Tivoli. Every girl I watch with, them love the Rasta youth. Them when them see me, I feel tell them, say I'm Mellow Mood and they run Italy. Man of the rich, the land of the sun, all the vibes in Jamaica. Don't in a jam down, build a house in Jamaica. Yo, man of the rich, the land of the sun, all the vibes in Jamaica. Richie, you know us, yeah. Me have to touch down, in a jam down, build a house in Jamaica. Jamaica top, Jamaica sweet. Sound a wide over the hills. Zing fence and a kitchen. And with the people, they my lean. Streets, them full of pockets. Before the ting-a-ling-a-ling. Who are proud and half a shrink. Keep some six and popping. If pineapple are sweet like a candy, they are Jamaica. Oh. Well, if the sunset make you cry, I watch how you dare Jamaica. A dumpling between your jaws, yeah, you there, Jamaica. Oh. Well, look for music 24/7, you there, Jamaica. Ah, oh, une voix portugaise à l'accent jamaïcain, Richie Campbell. Ah, oh, oh, oh. Well, let me tell you this again, yeah. Man of the rich, the land of the sun, well, the vibes in Jamaica. Alors nous avons déjà écouté aujourd'hui deux poésies, le moment poésie. Alors au poète recite Solidão, Solitude, ou Ombro na Ombreira, excerto de programa Palavras Vivas de Mário Viegas em 1990, a poesia de Alexandre Onei. On a été accompagné par Miramar Guitarras. Miramar é o projeto a duas guitarras de Franky Chaves e Peixe. Watson, hey, Richie Campbell, Ricardo Dias de Lima, plus exactement Ricardo Dias de Lima, Ventura da Costa. Portugaise à l'accent jamaïcain. Richie, pourquoi? Eh bien, on adore tout ce qu'il fait. Il est très jeune, 29 ans. Il a le nom de scène de Ricardo Costa. Il a commencé très jeune, bien sûr, puisqu'il est toujours très jeune, 29 ans. Et il a joué pour la première fois en 2010, il n'y a pas longtemps, avec un EP du même nom, Ricardo Costa. La même année, le premier album, My Pads, est sorti, et 2012, Fuck Is It, il a réussi ses records. Entre temps, il a édité des CD, des DVD, un live à Camp Pequen, où il enregistrait le concert de clôture de la dernière tournée. À l'époque, parlant à Gensellous, il disait, ce musicien, qu'il déclarait qu'il souhaitait changer l'opinion du reggae, une chanson facile à vendre et plus associée à l'été. Donc le reggae a toujours un message important, un message et une pensée qui sont des leçons de vie, et je voulais que cela ait un impact sur la vie des gens, dit-il. Il y a encore des gens qui écoutent ces chansons et qui pensent à un artiste étranger. Beaucoup confondent avec l'acteur Richie Campbell, alors que pas du tout. C'est notre Richie Campbell, il est blanc. Et c'est sur les réseaux sociaux qu'il s'est fait connaître, et il n'est que voilà le plus grand nom du reggae national, en parlant du Portugal. Il est né à Caxias en 1986 sous le nom de Ricardo Ventura da Costa. Il a chanté aussi dans une chorale, rien à voir, hein, une chorale de son lycée salésien, mais c'est au reggae, dans soul, au soul, à la soul, qu'il a trouvé son talent. Yo, Dada. Ah si si, c'est lui, Richie Campbell, Just and Those Days. Shoot. Easy, Dada. Yeah. Summer gone, now a time for contraffic. Do bus, now everybody call me prophet. Told them I would pull up in a range, and now my got this. Swerving like a bike, in the mingle of the traffic. Some of my friend, them see me back and them go stab it. Violator man, me shot a friend, them I go clap it. Every time me drop another song, them say a classic. Platinum record, me turn a dream into a habit. Them I go talk and them no like we see we full of shirt. Talking now with G-Star pants, yeah we know it hurts. Bad night people are the devil on earth. Wanna see your old body lay down in a dirt, you. Watch your friends where you have you. Your worst enemy is standing right beside you. Text your ex, but he never should have left you. Bless me, bless God, dog, that I know my boo. Come make we roll up a spliff and stay in for the winter. Things me I go do to you, no post it on your Insta. Wrap your arms, them around me like Rizla. It's just one of those days like Sizzla. We done grab up, mix the rum with the Henny and the vodka. See we out the road, then I go nice like vodka. But we love all of the girl, put on it bad like Shabba, eh. That a the wave, that a the vibe, that a the matter. Real bad boy, we shoot and never miss like that. Anytime I tell you, know we posted on the block, yeah. Solid as a rock, you know we tougher than the knock, yeah, eh. Sure no weakness. See dude, mother cried, I left me speechless. Them don't know how many nights work and sleepless. Suck your mind if you know one for see me lifeless. Free my G, them from out of the pen. Equal rights and justice, we are defend. Fuck all of the threats with them I send. Negativity, we wrap it up in a the bed. Come make we roll up a spliff and stay in for the winter. Things me I go do to you, no post it on your Insta. Wrap your arms, them around me like Rizla. It's just one of those things like Sizzla. Come back, we roll up a spliff and stay in for the winter. Things me I go do to you, no post it on your Insta. Wrap your arms, them around me like Rizla. It's just one of those things like Sizzla. It's just one of those things like sister. Yo, that one your name, Jankai. Even death, even my archive, but who cares? Who's fault? No one but myself. Things do happen, words can't explain. Thank you. jour, et Chic Campbell, Do You Know Frank? All your friends say I'm the one, oh, and I don't like your man, oh, but this is not the red sign. You should be mine, 'cause I'm yours. You know I've been waiting by that door. I don't mind, oh, you're moving so cold, 'cause I know that one day you'll be mine. Don't get me wrong, you know I'll lay. If you want me gone, I'll disappear. Don't get me wrong, baby, I swear. If you come my way, I will do you no wrong. Do ya no wrong. Do you no wrong. Do ya no wrong. I'm the one you really want. Fuck you, man, you know it's soft. And I don't like your plan. No. You and I cannot be friends. You should be mine, 'cause I'm yours. Radio Arc-en-Ciel, LDT, l'air du temps, 96.2. Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission qui vous accompagne pour débuter le week-end. Dénudement, Kiki, le portrait d'une femme, d'un homme célèbre. Nous écoutons Richie Campbell. Lusophone de la semaine. Did you know that your man? Yes, poésie, pause musicale, informations variées sur le 96.2. That your man? Moi, c'est Teresa. Always on the road without you. He don't give a fuck who's with you. Did you know? Was out his call. Oh, you wound up with him. I don't know. Oh, yeah. Les tendanciels, les titres de l'actualité, le dénudement, le moment poésie, les tendanciels, l'art du temps, un artiste chaque semaine. Et puis, voilà, tout se termine très très vite. Les bonnes choses ont toujours une fin, mais nous serons là le vendredi prochain, sans faute, à partir de 19h. Jusque-là, n'oubliez pas, soyez heureux. One day you'll be mine, yeah. Yeah, you'll be mine. If you come my way, I will do you no wrong. Excellent weekend à vous. Un très très bon week-end. But I want fun times. I want fun, fun times. I just want to laugh. Like c'est encore Richie Campbell, even. No, no, no. Why about me, baby? Why about me, baby? Not even heaven me put above you. Not even the stars them shine like you. Not even heaven me put above you. Not even the stars them shine like you do. Baby, run, come give me na na. I know you well. Run, come give me na na. Yeah. Go pon the ground, go pon the bed. Turn up the sound, let go the rest. Let down your heel, let go the stress. Take off your shoes, take off your dress. Hold me like you're not gonna let me go. Whisper say you want me in a yo. Play play the game, man. Call out me name, but the neighbor them asleep, so keep your voice low, yeah. Bite me on me neck, me arm. Bend your back just like Rihanna. Love me, say no, give me drama. You may want in on my corner, eh. But I swear I never walk out. When you want me, be able to call out. Me and you will never follow. Not even heaven me put above you. Not even the stars them shine like you do. Baby, run, come give me na-na. I know you will. Run, come give me na-na. Yeah. Not even heaven me put above you. Not even the stars them shine like you. Pressure. Me a dig deep like me a find treasure. Make you feel good like a Lisbon weather. Your ex-man weak, yeah, you know me do it better. And she know that. Now what a man know if make you feel so. You better believe that. Baby, don't lie, me see now your eyes. When you ride it like a bike, yeah. Call up to me, stop and grab the sheet spread. Body get warm and your face I get red. Woman, I'm alive, but tonight you are go dead. Feel like you want me to go all night. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel des bouquets éternels. Chaque jour un soleil. Ta petite voix révèle tous les secrets de l'enfance. Elle nous ouvre à l'éternel, à l'amour et à la danse. Tu passeras tout ton ciel à faire du bien sur la terre, à partager tes merveilles, ta confiance. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs dans des milliers de cœurs qui cherchent le bonheur. Soleil. Des poèmes, comme l'on s'aime, de l'amour. Des je t'aime, des ritournelles, pour toujours. Tu jetteras des fleurs, tu jetteras des fleurs, dans des milliers de cœurs. Cherche le bonheur, tu lanceras du ciel, tu lanceras du ciel, des bouquets éternels, chaque jour un soleil, tu jetteras des fleurs. Toujours un soleil. Minha mãe, no segundo em que aceito dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar, que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu zilkars bi kuga fein Jelke pesada Ki a sakon bradma Tuke pesadas I a sapasear o cão Passado da conspiração Cruzamos caminhos Tropeçamos num olhar E o pão desse dia ficou por comprar Ensaiaram-se as estrelas dos cães Os astros, os signos Os desígnios, as constelações As estrelas, os trilhos E as estrelas dos I'm lançant des pavés et qui lance des cocktails. Je suis le grec qui bosse depuis des mois sans recevoir de paye. Je suis le grec qui pleure sur les acrimaux et applaudit les activistes. Je suis le grec qui comprend qu'avec lui sont les anarchistes. Je suis le grec qui prend des pavés et qui lance des cocktails. Je suis le grec qui bosse depuis des mois sans recevoir de paye. Je suis le grec qui pleure sous les lacrymos et applaudit les activistes. Je suis le grec qui comprend qu'avec lui sont les anarchistes. Je suis le grec, je suis le grec, je suis le grec, je suis le grec, je suis le grec, je suis le grec. Pleuvoir les obus, palestinien qui peut mourir en traversant la rue, palestinien dont les bombes se font mitrailler, palestinien qui voit où va mourir ses oliviers. Je suis palestinien qui regarde pleuvoir les obus, palestinien qui peut mourir en traversant la rue, palestinien dont les bombes se font mitrailler, palestinien qui voit au loin mourir ses oliviers. Je suis palestinien, le palestinien, le palestinien, le palestinien. Je suis palestinien, le palestinien, le palestinien, le palestinien. Je suis la femme qui se fait siffler quand elle marche dans la rue. Je suis la femme qui a une journée par an où elle est reconnue. Je suis la femme qui doit se taire et garder les yeux baissés. Je suis la femme qui bosse autant pour être moins bien payée. Je suis la femme qui se fait siffler quand elle marche dans la rue. Je suis la femme qui a une journée par an où elle est reconnue. Je suis la femme qui doit se taire et garder les yeux baissés. Je suis la femme qui bosse autant pour être moins bien payée. Je suis la femme, je suis la femme, je suis la femme, je suis la femme, je suis la femme. Je suis la femme, je suis la femme, je suis la femme. Je suis le réfugié qu'on enferme avec ses mondes dans une prison infâme. Le réfugié qu'on dénonce partout et sans état d'âme. Le réfugié qui a risqué sa vie pour attraper un rêve. Le réfugié qui taffe dans le bâtiment mais qui peut pas faire rêve. Je suis le réfugié qu'on enferme avec ses mondes dans une prison infâme. Le réfugié qu'on dénonce partout et sans état d'âme. Le réfugié qui a risqué sa vie pour attraper un rêve. Le réfugié qui taffe dans le bâtiment mais qui peut pas faire rêve. Je suis le réfugié, le réfugié, le réfugié, le réfugié. Je suis le réfugié. Le réfugié, le réfugié, le réfugié. Je crois que j'aurais dû me retenir. faire au-dessus du lavabo. Quand on se trouve à deux au lit, que je vois l'avantage du répit.